Ils dirent : Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. Il dit : Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez.